Chacun raconte ses fantasmes. Qu'est-ce qu'un fantasme? Fantasme féminin, fantasme masculin, fantasme et vérité. Avons-nous tous des fantasmes? Fantasmes et films, fantasmes et peurs, fantasmes et culpabilité, fantasmes et oppression. Attaché par les amis de votre femme, votre femme excite une foule d'hommes. Faire l'amour avec une inconnue et faire l'amour avec deux femmes, les yeux bandés. Faire l'amour en pleine nature avec un beau garçon dans un bungalow. Faire l'amour au cinéma, être habillé sans sous-vêtements. Au bureau, un désir fou, sous le bureau, séduite par une femme, dans un taxi avec un inconnu, apprendre l'amour à un jeune homme, troublé par les uniformes. Faire l'amour avec un autre devant son mari, avec un mot de travers et la fessée dans un club échangiste. On vous paye pour vous voir nu, s'exhiber en voiture. Faire l'amour avec un homme masqué, être caressé par une silhouette masculine sans visage. Carlton de Lille, en attendant, on frappe à sa porte, étrangère dans le bus de Botox, expliquant le body art à ses collectionneurs, un abiscope montrant ses marches au festival de Cannes nu, ma mère avec le croupier du casino qui l'avait attrapé en train de tricher à Nîmes, se sacrifiant pour la carrière de Ben auprès d'un milliardaire monégasque. Ingrid se sent seins nus, fouettant Cathy, Christophe Arnoux et Arnaud, etc. Attention, ce n'est que mon imagination. Mon imagination. Mon imagination. Mon imagination. Mon imagination. Mm-hmm.